Thank you. Thank you.

ta chanson. De Chine. Faire un morceau d'Indochine qu'ils n'ont jamais composé. Trop de latence. C'est chiant cette latence. Pourquoi j'avais pas de latence comme ça? Daniel, a little problem as you. Sur le 1. Il paraît qu'on peut partir sur n'importe quelle mesure.